aujourd'hui, je veux tout te dire, je ne peux plus vivre et mentir. J'ai vécu comme un animal, combien de fois t'ai-je fait mal. J'ai voulu vivre à tout prix, je n'ai rien fait de ma vie. Mais pour la première fois, je chante comme si je devais mourir demain. Je mets mon front sur ton sein nu. J'ai failli te perdre cent fois. Je sais que tu vaux mieux que moi. Maintenant, j'ai tout compris. Je recommence ma vie. Et pour la première fois, je t'aime comme si je devais mourir demain.